Chapitre 4. La femme dans la vie publique de notre pays. Souvent heureuse dans les œuvres de l'intelligence, quelle a été l'influence de la femme française dans le domaine des événements de l'histoire? Depuis le XVIe siècle, il faut le dire, cette influence a été généralement néfaste. Il n'en avait pas été ainsi au Moyen Âge. Lorsque les femmes intervenaient à cette époque dans les scènes de l'histoire, c'était parfois, il est vrai, pour le malheur du pays, mais c'était le plus souvent pour sa gloire. Sainte Clotilde, Sainte Bathilde, Blanche de Castille, Jeanne d'Arc comptent parmi les bienfaiteurs de la France. Les trois premières lui ont donné la royauté chrétienne, et l'une de celles-ci a contribué à son unité nationale. La quatrième l'a miraculeusement délivrée de l'étranger. Mais ce qui a fait leur force, c'est une grande inspiration de foi patriotique et religieuse. C'est pour les unes le profond sentiment d'une mission maternelle. C'est pour Jeanne d'Arc l'appel direct du ciel. Ces femmes ont agi dans la mesure des attributions réservées à leur sexe. Et dans ces attributions, je ne comprends pas seulement les vertus domestiques de la femme et les vertus morales qui lui sont communes avec l'homme. Je mets au premier rang les vertus patriotiques. Je n'ai pas dit les talents politiques. Et cependant, ces talents n'ont pas manqué à Blanche de Castille. Mais placée dans la situation exceptionnelle de régente, elle se servait de son habileté dans les affaires publiques pour laisser à son fils un pouvoir fort et respecté. Elle fut une grande reine, parce qu'elle fut une grande mère. Mais ce qui, dans les conditions ordinaires, rend funeste l'intrusion politique de la femme, c'est que, créature essentiellement impressionnable, elle fait souvent servir son pouvoir à ses ambitions, ou bien à ses sentiments de tendresse et de haine. Plus absorbée que l'homme par les affections du foyer, ces affections, en devenant exclusives, l'aveuglent facilement, et elle leur sacrifie d'instinct les intérêts du pays. Si elle paraît favoriser ceux-ci, c'est qu'ils se seront accordés avec ses sentiments personnels. D'ailleurs, et nous l'en félicitons, elle est rarement douée des facultés de l'homme d'État. Ce n'est pas pour cette mission que la Providence l'a créée. Sans doute, lorsqu'une sage et forte éducation l'a habituée à faire dominer en elle la voix de la conscience, elle peut, nous le redirons plus tard avec M. de Tocqueville, inspirer utilement à son foyer l'homme d'État, non en lui conseillant des combinaisons politiques, mais en le fortifiant dans le culte du devoir. Touche-t-elle directement aux affaires publiques, elle risque de remplacer par l'esprit d'intrigue les qualités politiques qui lui manquent. Donc la passion personnelle pour guide, l'intrigue pour moyen, c'est le caractère dominant de l'influence politique exercée par la femme. On en vit quelques exemples au Moyen Âge, mais ils devinrent fréquents dès ce XVIe siècle où s'affaiblissent les principes élevés auxquels avaient obéi des princesses chrétiennes. Ce XVIe siècle qui, en faisant naître la cour de France, fortifiera l'esprit d'intrigue. Dans la période intermédiaire qui suit le Moyen Âge et qui précède la Renaissance, nous retrouverons encore cependant une imitatrice de Jeanne d'Arc, Jeanne Hachette, une héritière de Blanche de Castille, Anne de France, dame de Beaujeu. C'est à l'heure du péril national que Jeanne Hachette et ses vaillantes compagnes s'arrachent à l'ombre du foyer pour défendre leur ville menacée. Comme Jeanne d'Arc, elle ne sépare pas du patriotisme la foi qui le vivifie. Quand, pour repousser Charles le Téméraire, elles marchent au rempart, elles ont pour enseigne la chasse de Sainte Angadrême, patronne de leur ville. Les unes apportent des munitions aux défenseurs du rempart, d'autres font pleuvoir sur les ennemis des flots bouillants d'huile et d'eau, ou les écrasent sous les grosses pierres qu'elles font rouler sur leur tête. Les assaillants ont commencé à gravir le rempart, un porte-étendard plante déjà la bannière de Bourgogne sur la muraille, il la tient encore, mais Jeanne Hachette la lui arrache. L'ennemi fut repoussé. Parmi les récompenses que Louis XI donne aux habitants de Beauvais, de nobles privilèges sont accordés aux femmes. Le roi les dispense des lois somptuaires. Elles ont le pas sur les hommes à la procession annuelle que Louis XI institue en l'honneur de Sainte Angadrême. Elles forment comme une garde d'honneur autour de la chasse qui a été leur force et leur point de ralliement pour sauver leur cité. J'ai nommé dans Anne de France une héritière des grandes pensées de Blanche de Castille. Tutrice de son frère Charles VIII, elle accomplit comme sœur une mission politique analogue à celle que Blanche avait remplie comme mère. ainsi que la souveraine du XIIIe siècle, elle poursuit avec une prudente fermeté l'œuvre de l'unité française. Elle a les qualités politiques de Louis XI sans en avoir la cruauté. Et par sa générosité, par sa munificence, elle rend au pouvoir royal l'éclat que lui avait enlevé la mesquinerie de son père. Cette jeune femme de 22 ans avait, dit un historien, la ténacité, la dissimulation et la volonté de faire du feu roi. Aussi disait-il d'elle, avec sa causticité accoutumée, que c'était la moindre folle femme du monde, car de femmes sages il n'y en a point. Elle prouva qu'il y en avait une, car elle poursuivit avec une sagacité et une énergie admirables tout ce qu'il y avait eu de national dans les plans de Louis XI. Elle eût été digne du trône par sa prudence et son courage, si la nature ne lui eût refusé le sexe auquel est dévolu l'Empire. Ce jugement d'un contemporain est celui de la postérité. Anne de France mérite cet hommage comme tutrice de Charles VIII, mais nous verrons un peu plus tard que la belle-mère du connétable de Bourbon n'en sera plus digne. Quel que soit le génie politique dont la nature ait exceptionnellement doué une femme, quelle que soit la force d'âme avec laquelle elle se possède, il est bien rare qu'à certains moments la passion ne vienne obscurcir en elle la notion du sens patriotique. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à cette dernière apparition de Madame de Beaujeu dans l'histoire. Aux États généraux qu'Anne de France consent à réunir, les paysans libres sont appelés pour la première fois. Et tout en fortifiant le tiers-État, la princesse continue à défendre le pouvoir royal contre les envahissements de la féodalité. Elle résiste victorieusement à la nouvelle Ligue du bien public que dirige contre elle le duc d'Orléans. Comme nous venons de le rappeler, l'unité de la France la compte, elle aussi, parmi ses fondateurs. Cette unité lui doit encore une force considérable, la réunion de la Bretagne à la France. Le plus grand acte qui resta encore à accomplir pour la victoire définitive est la constitution territoriale de la nationalité française. Anne prépare peu à peu son frère à prendre le pouvoir, et quand ce moment est venu, elle se retire. Elle se livre dans sa retraite à ses devoirs domestiques. Elle ne garde plus que le droit de conseiller discrètement son frère. Si Charles VIII l'avait écouté, il n'aurait pas entraîné la France dans ces guerres d'Italie qui furent si préjudiciables au pays. Pourquoi faut-il qu'Anne de France éternie sa pure gloire quand à ses derniers moments, les injustices dont François Ier accablait le mari de sa fille, le connétable de Bourbon, lui firent perdre le sentiment français et qu'elle recommanda à son gendre de s'allier à la maison d'Autriche. Tout viril que fût son caractère, elle était demeurée femme pour subordonner aux intérêts de sa maison son influence politique. Sœur et tutrice de Charles VIII, elle sert la France. Belle-mère du connétable de Bourbon, elle l'a trahit. Mais n'oublions pas que ce fut à l'heure des défaillances de la mort. N'oublions pas non plus que lorsqu'elle était au pouvoir, elle suivit une politique vraiment nationale, quelle qu'en fût l'inspiration. Si l'on excepte Anne d'Autriche, elle est la seule qui ait droit à cet éloge entre toutes les princesses qui, depuis le XVe siècle, ont exercé une influence sur les destinées de notre pays. C'est qu'elle était la seule aussi qui fut fille de France. L'une des causes qui en effet rendirent le plus désastreuse l'intervention politique des reines, c'est que, nées dans des cours étrangères, elles apportaient généralement sur le trône de France l'amour de leur pays natal. Une contemporaine de Madame de Beaujeu en donna le triste exemple. C'est en mariant Charles VIII à l'héritière de la Bretagne qu'Anne de France avait réuni cette belle province à notre patrie. Et peu s'en fallut que la reine bretonne, avant d'être française, n'enleva à notre pays le don qu'elle lui avait apporté. À peine Charles VIII est-il mort, qu'Anne de Bretagne se retire dans son duché. Cependant, un traité l'oblige à ne se remarier qu'à un roi de France ou à l'héritier présomptif de celui-ci. Louis XII lui demande sa main, et elle la lui accorde. Mais le roi lui abandonne la jouissance de son bien et de son duché, et toujours la duchesse de Bretagne l'emporte sur la reine de France. De son mariage avec Louis XII, Anne de Bretagne n'a que deux filles. La seconde, Claude de France, héritière du duché de Bretagne, doit épouser l'héritier du trône, François d'Angoulême. Mais la reine déteste Louise de Savoie, mère de ce prince, et plutôt que de voir passer la Bretagne entre les mains du fils de son ennemi, elle presse Louis XII de fiancer la princesse Claude à Charles d'Autriche, le futur Charles Quint. mariage désastreux qui démembrait la France. Le comte de Blois, le Milanais, jeune, asti, fut rejoint plus tard à la dot de la fiancée. Et si le roi mourait sans héritier mâle, le duché de Bourgogne devait passer avec la princesse Claude à la maison d'Autriche. Voilà ce qu'Anne de Bretagne avait arraché à l'âme si française de Louis XII. Mais à quel prix ? Les regrets, les remords accablent le roi. Il tombe malade. Le cardinal d'Amboise, les autres conseillers du prince, lui rappellent ses devoirs de roi. Alors Anne ne résiste plus. Louis XII stipule dans son testament que lorsque sa fille Claude sera en âge d'être mariée, elle épousera François d'Angoulême. Mais tant que la reine vécut, ce mariage n'eut pas lieu. Une précédente maladie de Louis XII avait fait prévoir à la reine un second veuvage. Sa première pensée fut de se retirer en Bretagne après la mort du roi et d'y emmener sa fille Claude, pour la soustraire aux partisans de François d'Angoulême. Elle se hâta d'envoyer ses bagages à Nantes par la Loire. Le gouverneur de François d'Angoulême, le maréchal de Gier, les fit saisir entre Saumur et Nantes. Le roi se rétablit, et la reine, qui gardait sur lui son influence, se souvint de l'injure du maréchal. Il ne lui suffit pas de la faire chasser dans la cour. Elle veut le déshonorer. Elle suscite contre lui des témoins qui l'accusent de concussion et d'autres crimes encore. Ce n'est pas la mort du maréchal qu'elle poursuit. Non, la mort serait pour lui la délivrance. Et ce que la reine lui prépare, c'est la lente agonie du vieillard qui a été heureux, justement honoré, et qui, dépouillé de ses emplois, traînera une existence misérable. La mort ne lui durerait qu'un jour, voire qu'une heure, et ses langueurs qui le feraient mourir tous les jours. Voilà la vengeance de cette brave reine, ajoute Brantôme. Anne de Bretagne était-elle donc un monstre ? Non, dans sa vie privée. Elle était généreuse, charitable. Elle aimait ses serviteurs et faisait du bien à ceux du roi. Vertueuse et digne, elle faisait régner les bonnes mœurs dans cette cour, où la première, elle attira les femmes et les jeunes filles. Louis XII était fier de lui envoyer les ambassadeurs, qu'elle recevait avec sa grâce royale et son éloquente parole. Elle protégea les lettres, les arts. Mais au milieu de toutes ses qualités, Anne de Bretagne était impérieuse et ne souffrait pas la contradiction. Elle était passionnée dans ses ressentiments, et elle y apportait la ténacité de la vieille race bretonne. Lorsqu'une femme, belle, séduisante, aimée, a au service de ses haines une influence politique, que devient pour elle l'intérêt de ce pays, au milieu duquel d'ailleurs elle se considère comme une étrangère ? L'ennemie d'Anne de Bretagne, Louise de Savoie, anima aussi de ses passions ses actes politiques. Lorsque, pour la cause de François d'Angoulême, le maréchal de Gier a encouru l'inimitié de la reine, Louise de Savoie compte parmi les faux témoins qui accusent le fidèle soutien de son fils. C'est qu'au prix de cette lâcheté, elle conquiert la faveur de la reine. C'est pour son fils, sans doute, qu'elle boit cette honte, car cette femme profondément corrompue a un grand amour au cœur, et c'est avec la plus vive exaltation que dans son journal elle nomme son fils « mon roi, mon seigneur, mon César et mon Dieu ». Mais cet amour, ce n'est que l'instinct qui se fait entendre au cœur même des fauves. Ce n'est pas l'amour intellectuel que connaît la mère chrétienne et qui fait d'elle la mère éducatrice par excellence. Au lieu d'élever vers le bien l'âme de son fils, Louise de Savoie l'a pervertie. Elle se sert tantôt de son influence sur François Ier, tantôt de son pouvoir de régente, pour faire triompher ses vives tendresses ou ses implacables ressentiments. Du duc de Bourbon qu'elle aime, elle fait un connétable de France. Et du nouveau connétable, qui dédaigne son amour, elle fait un persécuté qui devient un traître à la patrie. Pour perdre Lautrec, gouverneur du Milanais, elle s'empare des deniers que lui envoyait le surintendant Semblançay. Et elle laisse ainsi échapper à la France le duché de Milan. Et comme Semblançay déclare que c'est la reine mère qui a pris cette somme, Louise de Savoie poursuit de sa haine le surintendant. 5 années après, François Ier sacrifie à sa mère le noble vieillard, qu'il appelait son père, et qui a administré les finances sous les deux règnes précédents et sous le sien. Il laisse Louise de Savoie ourdir avec son digne complice, le chancelier Duprat, le procès qui se terminera par un sinistre spectacle, le vieux surintendant pendu au gibet de Montfaucon. À un moment de sa vie pourtant, Louise de Savoie eut à l'intérieur et à l'extérieur une politique utile à la France. C'est que, régente alors, pendant la captivité de François Ier, son devoir se trouva d'accord avec son amour maternel. Pour délivrer son fils, c'est avec une haute habileté diplomatique qu'elle détache l'Angleterre de l'alliance de Charles Quint. Nous savons avec quel sublime dévouement la fille de Louise, Marguerite d'Angoulême, travailla de son côté au salut du royal et bien-aimé captif. La mission qu'elle remplit en Espagne, ainsi que ses autres apparitions si discrètes dans le domaine de l'histoire, furent, comme nous le disions, les effets du sentiment unique qui fit de sa vie un long acte d'amour fraternel. Mais dans cette âme généreuse et vraiment française, cette tendresse toute exclusive qu'elle fut, ne l'aveugla jamais sur les besoins du pays, et Marguerite ne la fit servir qu'au bonheur et à la gloire de la France, à la pacification des esprits, au soulagement de toutes les infortunes. Si pour délivrer François Ier, Louise de Savoie avait dignement concouru avec sa fille au relèvement de la France, le dernier traité auquel la reine-mère mit la main fut une honte pour notre pays. C'était le traité de Cambrai, qui, préparé par Louise de Savoie et par Marguerite d'Autriche, fut nommé la paix des dames, et qui, abaissant la France aux pieds de Charles Quint, infligeait à notre patrie la plus cruelle des humiliations, le sacrifice de tous ses alliés à l'ambition et à la vengeance impériale. Nommerons-nous maintenant les favorites des Valois, triste influence que celle qu'eurent dans nos annales ces dangereuses sirènes. C'est pour plaire à Madame de Chateaubriand que François Ier a donné à Lautrec, frère de celle-ci, le gouvernement du Milanais, et l'incapacité de ce général s'est jointe à la trahison de la reine-mère pour faire perdre cette conquête à la France. La duchesse d'Étampes sous François Ier, Diane de Poitiers sous Henri II, remplissent de leurs créatures les hautes charges du royaume. S'il n'est pas prouvé que Madame d'Étampes ait trahi la France pour Charles Quint, il est malheureusement vrai que Diane de Poitiers décida Henri II à conclure le traité de Cateau-Cambrésis, qui, après des combats où notre pays avait dignement répondu à son antique renommée, lui imposa des conditions aussi humiliantes que s'il avait été vaincu. C'est que la paix est nécessaire à Diane. Les Guises, ses créatures, s'élèvent trop haut à son gré, et pour contrebalancer leur pouvoir, elle a besoin de voir revenir à la cour Montmorency et Saint-André, prisonniers en Espagne. Détournons nos regards de ces femmes que de royales faiblesses rendent souveraines. Levons les yeux jusque sur le trône et voyons surgir la figure énigmatique et terrible de Catherine de Médicis. Elle ne semble pas née pour le crime, cette femme qui se montre d'abord la tendre belle-fille de François Ier, la patiente épouse d'un prince qui est l'esclave d'une vieille femme, puis l'inconsolable veuve de ce mari infidèle, la mère qui se dévoue à ses enfants avec d'autant plus d'amour que l'espérance de la maternité lui a été longtemps refusée. On a dit d'elle que si elle n'avait pas eu à subir la redoutable épreuve du pouvoir, elle aurait pu ne laisser après elle que le parfum des vertus domestiques. Avant la mort de Henri II, Catherine n'était qu'en de rares circonstances sortie de sa retraite pour exercer une action publique. Le roi, son mari, partant pour l'expédition d'Allemagne, l'avait nommée régente, mais en restreignant son pouvoir. Plus tard, après que le désastre de Saint-Quentin fait redouter que l'ennemi n'entre dans Paris, la reine a, en l'absence de son mari, un mouvement d'une noble spontanéité. Elle se rend à l'hôtel de ville ou au parlement, d'après une autre version. Les cardinaux, les princes, les princesses la suivent. Avec une persuasive éloquence, elle demande un subside de 300 000 livres qui permettent au roi de soutenir la guerre. Elle l'obtient, et sa reconnaissance se traduit en paroles d'une exquise douceur. Par cette intervention que lui dicte le péril du pays et les plus purs sentiments domestiques, Catherine est vraiment dans ses attributions de femme et de reine. Au premier temps de son veuvage, la reine-mère s'ensevelit dans son deuil. Le moment n'est pas venu pour elle de prendre le pouvoir. La belle et intéressante Marie Stuart, adorée de son jeune époux, le gouverne avec ses oncles de Guise, Catherine de Médicis attend. François II meurt. Son jeune frère Charles IX lui succède. La reine-mère est régente. Heure fatale que celle où Catherine prend le pouvoir. Il ne s'agit plus ici de céder à un magnanime mouvement pour demander au cœur de la France le secours qui permettra de repousser l'étranger. C'est une autre guerre, une guerre fratricide, qui va déchirer le sein de la France. Les luttes religieuses qui grondent sourdement vont faire explosion, soulevant les passions populaires et ravivant dans l'aristocratie les révoltes féodales. Pour diriger l'État, dans ces graves conjonctures, le gouvernement n'est représenté que par une femme douée d'une merveilleuse habileté, habituée par l'épreuve à une longue dissimulation, mais qui, dépourvue de principes supérieurs, ne se laisse guider que par les impressions de la peur, par l'intérêt de sa famille, et enfin par l'amour du pouvoir, ce sentiment qui dominera chez elle avec d'autant plus de force qu'il a été plus longtemps comprimé dans une âme orgueilleuse. Déjà sous François II, quelle réservée que fût son attitude, elle avait dans une lettre adressée à son gendre Philippe II laissé entrevoir son caractère altier. Ce qui la rendait hostile à la convocation des États généraux, c'était la pensée que par leur réforme, il la réduirait à la condition d'une chambrière. À ce moment déjà, la vanité égoïste l'emportait chez elle sur toute pensée patriotique. Pendant la minorité de Charles IX, l'intérêt de l'État et celui de sa famille s'accordant, Catherine exerce sur les partis une action modératrice, peu ferme malheureusement, mais qui s'unit à la généreuse tolérance du chancelier de l'hôpital, le noble magistrat, qui sous François II, déjà, a dû à la reine-mère son élévation. Si, par une politique incertaine, indécise, la reine se sert tour à tour de chaque parti pour contenir l'autre, c'est que tous deux lui paraissent redoutables. La neutralité lui est d'autant plus facile que la religion n'est pour elle qu'un moyen politique. On connaît le mot qu'elle prononça quand les premières nouvelles de la bataille de Jarnac lui firent croire au triomphe des protestants. « Eh bien, nous prierons Dieu en français. » Après avoir conclu le traité d'Amboise, qui mécontente également catholiques et huguenots, Catherine suit une politique généreuse, que ses intérêts lui commandent. Elle unit les deux parties dans une pensée patriotique et donne à leur belliqueuse ardeur un but vraiment français, la recouvrance du Havre, que leurs querelles ont livré à l'anglais. La reine elle-même conduit l'armée. Avec la grâce et la dextérité qui font d'elle une admirable écuyère, elle monte à cheval, s'exposant aux arquebusades et canonnades, comme un de ses capitaines, voyant faire toujours la batterie, disant qu'elle ne serait jamais à son aise qu'elle n'eût pris cette ville et chassé 16 Anglais de France, haussant plus que poison ceux qui la leur avaient vendus. Aussi fit-elle tant qu'enfin elle la rendit française. C'est encore une sage mesure que prend Catherine lorsque, exerçant à la majorité de son fils une autorité plus grande que jamais, elle fait voyager le jeune roi pendant 2 années dans les provinces, surtout dans celles qu'enflamme le plus l'ardeur des luttes religieuses. Catholiques et huguenots se pressent aux fêtes du voyage, ces fêtes où se déploient tous les enchantements d'une cour brillante. Mais Catherine a déjà commencé à employer, pour soutenir sa cause, une force peu avouable, l'escadron volant de ses 50 filles d'honneur, qui déploient toutes leurs séductions pour attirer à la reine les personnages les plus influents des deux causes. De ce voyage, entrepris dans un but élevé, résulte pour Catherine une politique nouvelle. Elle a constaté l'infériorité numérique du parti huguenot. C'est assez pour elle qu'elle n'ait plus à le ménager. Lorsque, sur la Bidassoa, le duc d'Albe lui a donné des sanguinaires conseils, la reine était préparée à les recevoir. Catherine de Médicis apportera dans la violence la même dissimulation, les mêmes atermoiements que dans la modération. C'est dans l'ombre qu'elle dirigera ses premiers coups, non sans tenter encore des démarches pour la paix. Jetant enfin le masque, elle fait renvoyer l'hôpital. Elle défend sous peine de mort l'exercice du culte protestant. Mais son habileté est mise en défaut, et la France catholique n'est pas prête pour la lutte. Seuls les protestants sont sous les armes.